Acte quatrième, Don César. Une petite chambre somptueuse et sombre. Lambris et meubles de vieille forme et de vieille dorure. Murs couverts d'anciennes tentures de velours cramoisi, écrasées et miroitant par places et sur le dossier des fauteuils, avec de larges galons d'or qui les divisent en bandes verticales. Au fond, une porte à deux battants. À gauche, une grande cheminée sculptée du temps de Philippe II avec écussons de fer battus dans l'intérieur. Du côté opposé, une petite porte basse donnant dans un cabinet obscur. Une seule fenêtre à gauche, placée très haut et garnie de barreaux et d'un auvent inférieur comme les croisées des prisons. Sur le mur, quelques vieux portraits enfumés et à demi effacés. Coffre de garde-robe avec miroir de Venise. Grand fauteuil du temps de Philippe III. Une armoire très ornée, adossée au mur. Une table carrée avec ce qu'il faut pour écrire. Un petit guéridon de forme ronde à pied doré dans un coin. C'est le matin. Au lever du rideau, Ruy Blas, vêtu de noir, sans manteau et sans la toison, vivement agité, se promène à grands pas dans la chambre. Au fond se tient son page, immobile et comme attendant ses ordres.